Je me souviens très bien qu'il y a quelques années, pour gagner un peu de sous, j'avais fait le croupier dans un petit casino de la Vendée. Situé sur la plage ensoleillée, il n'ouvrait que pour l'été. Je jetais une boule qui n'en finissait pas de tourner. Je regardais les gens la suivre hypnotisée. Ils passaient leur temps à déplacer les jetons qu'ils avaient misés jusqu'au signal du croupier. Faites vos jeux, attention, rien de plus. De toute façon, vous avez tous perdu. Quand on gagne, on ne s'arrête plus. Quand on perd, on est si déçu que l'on revient le soir même parfois ou bien le lendemain. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Faites vos jeux, attention, rien de plus. De toute façon, vous avez tous perdu. Quand on gagne, on ne s'arrête plus. Quand on perd, on est si déçu que l'on revient le soir même parfois ou bien le lendemain. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Y'avait les vacanciers qui voulaient s'amuser, qui misaient trois fois rien, histoire de rigoler. Et très vite ils se faisaient piéger. Et sans leurs femmes attentionnées, ils seraient sortis ruinés. Plus tard dans la soirée, entre les habitués qui claquaient toute leur paye, tranquillement sans broncher, ils jouaient la nuit entière sans y penser. Sûr que la poule était leur allié, que la chance allait tourner. Faites vos jeux, attention, rien ne va plus. De toute façon, vous avez tous perdu. Quand on gagne, on ne s'arrête plus. Quand on perd, on est si déçu que l'on revient le soir même parfois ou bien le lendemain. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Faites vos jeux, attention, rien ne va plus. Vous avez tous perdu. Quand on gagne, on ne s'arrête plus. Quand on perd, on est si déçu que l'on revient le soir même parfois ou bien le lendemain. Jusqu'à ce qu'il ne des années après, j'ai voulu essayer, persuadé que ce que j'avais vu m'avait vacciné. Et si j'ai fini par m'en aller, c'est parce que je n'avais pas mon chéquier, la boue m'avait ratissé. Faites vos jeux, attention, rien ne va plus. De toute façon, vous avez tous perdu. Quand on gagne, on ne s'arrête plus.